Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran, tayyiban, mubarakan fi. Wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Après avoir mentionné les causes principales de l'augmentation de la foi, leur mérite et leur importance dans la vie du croyant, nous allons maintenant voir Asbab Nuqsan al-Iman, les causes de la diminution de la foi. Tout comme il est demandé aux croyants de connaître le bien de manière détaillée, de connaître le chemin à emprunter pour pouvoir l'atteindre, il lui est également demandé de connaître le mal de manière détaillée, de connaître le chemin qui y mène afin de pouvoir s'en prémunir et s'en éloigner. Et celui qui médite sur la voie du Coran, de la Sunna, observera cela de manière très claire. À titre d'exemple, dans Sourate Al-Fatiha, Allah subhanahu wa ta'ala nous montre le chemin de ceux qui ont pris la science et l'ont mis en pratique, mais également le chemin des ignorants qui se sont égarés et le chemin de ceux qui ont eu la science et ne l'ont pas appliqué. Ainsi, Allah Azza wa Jal nous montre le bien et nous y invite. Il nous montre également le mal et nous en avertit. Ihdina sirata al-mustaqim, sirata al-ladhina an'amta alayhim, ghayril maghdubi alayhim, waladdallin. Guide-nous au chemin droit. Le chemin de ceux que tu as comblés de tes bienfaits, c'est-à-dire ceux qui ont pris la science et l'ont appliqué, non pas le chemin de ceux qui ont encouru la colère, c'est-à-dire ceux qui ont pris la science sans l'appliquer, ou à la dalline, ni des égarés, c'est-à-dire ceux qui se sont égarés sans science. Voici pour Sourate Al-Fatiha. Si on prend Sourate Al-Baqara, pareillement, quelques versets sur les croyants, Alladhina yu'minuna bil ghaib, puis quelques versets sur les kuffars, innal ladhina kafaru sawa, puis plusieurs versets sur al munafiqun, les hypocrites, wa minan nas man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Et parmi les gens, certains disent nous croyons en Allah et au jour dernier, mais ils ne sont pas croyants. Et si on prend sourate at-tauba, si on prend sourate Al-A'raf, on verra qu'Allah Azza wa Jal nous mentionne les histoires des prophètes. Comment Allah Azza wa Jal a vanté les mérites des messagers et de leurs suiveurs en nous décrivant leurs caractéristiques, leur noblesse de comportement, leur fermeté dans la religion, leur foi ferme et la récompense qu'il leur a donnée ainsi que le secours. Mais on voit également la description de leurs détracteurs, les opposants, la description et le blâme adressé à ceux qui n'ont pas cru et ceux qui ont combattu les prophètes et les suiveurs des prophètes. Et quelle fut leur mauvaise finalité? Si on prend Sourate At-Tauba, on voit la description des caractéristiques des hypocrites. Elle les dévoile. Si on prend la fin du Mus'haf, on voit la mise en garde contre le diable. قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ إِلَهِ النَّاسِ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ. Donc on cherche protection et refuge auprès d'Allah contre الوسواس الخناس, celui qui suggère et celui qui avilit, c'est-à-dire le diable. Donc il faut absolument, en plus de connaître le bien, connaître le mal de manière détaillée. Ça c'est la voie du Coran, ceci est la voie du Coran et de la Sunna. Et c'est également la voie qui a été empruntée par les compagnons. Hudhayfah ibn al-Yaman, un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, radiyallahu anhuma, nous dit « Kana an-nasu yas'aluna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam anil khayri wa kuntu as'aluhu anil sharr, ma khafatan an yudrikani dhalik » Al-Bukhari Muslim nous rapporte la parole de Hudhayfa radiallahu anhu. Les gens interrogeaient le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam au sujet du bien et moi je le questionnais au sujet du mal de peur que cela m'atteigne. De peur que cela m'atteigne. Donc ça a été acquiescé par le prophète alayhi salatu wa sallam. Donc, il te faut savoir le mal, les chemins y menant, le mal de manière détaillée, ses exemples, ses différentes formes, pour t'en protéger, t'en prémunir. C'est pour cela que les savants ont écrit, comme Ibn al-Qayyim Irathatul Lahfan, dans ce livre, il te décrit al-Shaytan et comment est-ce que Shaytan nuit au fils de Adam, et ainsi de suite. C'est pour cela que l'imam al-Dhahabi a écrit le livre al-Kaba'ir, les grands péchés, afin que la communauté ait connaissance du mal et puisse s'en prémunir. Premièrement, ce qui touche à la foi, l'affaiblit et la diminue, c'est le fait de délaisser tout ce que nous avons vu dans le premier chapitre, les causes de l'augmentation de la foi. Celui qui n'accorde pas importance à ce qui est passé, celui qui n'accorde pas importance à la science, celui qui n'apporte pas importance à la science du tawhid, à la connaissance d'Allah à travers ses noms et ses attributs, à la connaissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'étude de sa biographie, celui qui n'accorde pas d'importance à la splendeur de l'islam, sa description, sa perfection, celui qui n'accorde pas d'importance aux signes manifestes d'Allah, la création, les cieux, la terre, la nuit, le jour, les mers, les montagnes et autres, celui qui ne médite pas sur tout ça, celui qui ne donne pas d'importance aux œuvres pieuses, aux bonnes actions, à l'invocation d'Allah et sa mention, sa foi diminuera, sans aucun doute. Donc ça, c'est le premier point. C'est que de ne pas accorder importance à ce que nous avons étudié au premier chapitre amène la diminution de la foi. Amène la diminution de la foi. Car plus la personne obéit à Allah, plus elle apprend à le connaître, plus elle applique ce qu'elle sait, plus elle se rapprochera d'Allah. À l'inverse, plus elle ignore la vérité, plus elle est dans l'insouciance et le délaissement des bonnes œuvres, plus sa foi diminuera. Et en fonction de ce que la personne délaissera, ben sa foi diminuera. Comme a dit Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala, celui qui délaisse les bonnes œuvres, sa foi diminuera en conséquence. Et il se peut même que selon ce qu'il délaisse, elle disparaisse totalement, comme le délaissement de la prière. Sa parole s'arrête ici, à rahimahullah. Allah nous dit dans son livre, « Qad aflaha man zakkaha » a certes obtenu le succès, celui qui l'a purifié. C'est-à-dire celui qui aura purifié son âme, son être, par la mise en pratique des bonnes œuvres, par l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme a expliqué Qatada rahimahullah. Wa qad khaba man dassaha, et aura perdu celui qui l'aura souillé, c'est-à-dire en faisant les péchés, comme a expliqué Al-Hassan al-Basri rahimahullah. Sachez, mes chers frères, que les causes amenant la diminution de la foi sont de deux catégories. La première, asbabun dakhiliya, et la seconde, asbabun kharijiya. La première catégorie, ce sont des causes intérieures, des causes dhatiya. Ce sont des causes qui touchent à la personne elle-même, comme l'ignorance, comme l'insouciance. Ce sont des choses en rapport avec son être, pas des choses extérieures à elle-même. Donc des choses en rapport avec sa propre personne, des choses intérieures. Et la deuxième catégorie de causes qui amène la diminution de la foi, asbabun kharijiyya, ce sont des causes extérieures, comme ash-shaytan par exemple. Comme le diable, comme les mauvaises fréquentations. Donc retenez bien ces deux catégories de causes amenant la diminution de la foi. Les causes intérieures et les causes extérieures. Quant aux causes les intérieurs. Ce sont des choses, ce sont des points qui touchent la personne, que la personne a en elle-même, qui auront pour effet la diminution de la foi et son affaiblissement. Premièrement, al-jahl, l'ignorance. C'est le contraire de la science. L'ignorance. Celui qui est ignorant va suivre ses passions, va tomber dans des ambiguïtés de par son ignorance, de par son manque de visibilité sur les conséquences néfastes et gravissimes de ce dans quoi il s'avance. Il va s'avancer dans ses passions par ignorance, du fait qu'il a peu de connaissances. Du fait qu'il a peu de connaissances, il va s'adonner à la pratique de péché, car il ne connaît pas les conséquences, car il ne connaît pas la gravité de ce qui découlera de ses paroles, de ses actions et de ses idéologies. Et tout comme la science amène la personne à bien percevoir le chemin sur lequel elle s'avance, et l'ignorance empêche la personne de visualiser le chemin sur lequel il s'avance. Et comme Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala disait, la science est la base de tout le bien. Et l'ignorance est la base de tout le mal. L'ignorance est la base de tout le mal. Celui qui n'a pas de science va commettre les péchés. Va prendre plaisir à tomber dans l'injustice, dans la dépravation, dans les turpitudes. Et la cause première sera l'ignorance. Certains pourraient dire, mais c'est peut-être parce qu'il a une mauvaise intention. Sans aucun doute. Mais, quelle est la base de sa mauvaise intention? Encore une fois, c'est l'ignorance. Encore une fois, c'est l'ignorance, comme le dit Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala. À titre d'exemple, celui qui voit un beau repas, un mec qui lui semble délicieux, mais il sait qu'il est empoisonné. Il sait qu'il est empoisonné. Est-ce qu'il va s'avancer? Est-ce qu'il va tendre la main? Est-ce qu'il va vouloir goûter? Non. Immédiatement, il en sera repoussé. Il va couper, casser ses désirs par cette science qu'il a auprès de lui, qu'il a en lui, ce repas est empoisonné. Mais l'ignorant, lui, il va se précipiter sans même demander est-ce que cette viande est licite ou pas. Est-ce que cette viande est halal ou pas. Donc voici ici un marqueur qui va émettre ou établir une distinction claire entre les gens du bien et les gens du mal, entre les savants et les ignorants, entre les gens pieux et les insouciants. La foi véritable, l'iman ou l'haqiqi, c'est la foi qui pousse le serviteur à faire ce qui va lui être profitable dans son bas monde, sa tombe et l'au-delà, et le pousse également à délaisser ce qui va lui nuire dans son bas monde, dans sa tombe et l'au-delà. Dans le cas contraire, cette foi n'aura pas été profitable. Celui qui a la foi, il croit en l'enfer, comme s'il voyait l'enfer. Il ne va pas emprunter son chemin. Il va s'en éloigner, en avoir peur. Celui qui croit au paradis et qui connaît sa description, il va emprunter son chemin et il n'arrivera pas à se reposer devant les bonnes œuvres. Mais il se reposera en faisant les bonnes œuvres. Il se fatiguera et trouvera en même temps son délice et son repos. Parce qu'il sait ce qu'il demande, il y croit. Comme l'a expliqué Ibn al-Qayyim dans Irathatul Lahfan. Donc l'âme, elle recherche à assouvir ses plaisirs, elle recherche ses désirs. mais son ignorance peut la pousser à obtenir le mal d'où elle pensait obtenir le plaisir. Voici donc une grande cause de péché et de diminution de la foi, à savoir l'ignorance. À savoir l'ignorance. Celui qui est ignorant sera son propre ennemi. Il sera son propre ennemi. Allah subhanahu wa ta'ala nous montre dans le Coran que beaucoup de péchés commis ont pour cause l'ignorance. Ont pour cause l'ignorance. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Donc, il nous faut absolument sortir de cette ignorance. Il nous faut absolument sortir de cette ignorance pour pouvoir sortir des péchés. Écoutez la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. Ô Moussa, désigne-nous une divinité semblable à leur divinité. Il dit, vous êtes certes des gens ignorants. Le peuple de Banu Israël, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a permis de traverser la mer, sont passés près d'un peuple qui adorait une idole, en dehors d'Allah Azza wa Jal. De par leur ignorance, ils lui ont dit, ô Moussa, donne-nous à nous aussi une divinité à adorer, comme ces gens-là ont une divinité. Moussa alayhi salam s'est mis en colère et les a blâmés et les a avertis contre le shirk. Qala innakum qawmun tajhaloun. Vous êtes certes un peuple ignorant. Voyez-vous les conséquences de l'ignorance, subhanallah. Le fait de vouloir le shirk, le pire des péchés par lesquels Allah Azza wa Jal fut désobéi. Et ça n'est pas un cas à part. Mais lisez dans le peuple de Lot. وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ. Lot, alayhi salam, a dit à son peuple, allez-vous commettre des turpitudes alors que vous êtes clairvoyants? Vous allez aux hommes au lieu des femmes pour assouvir vos désirs? Vous êtes plutôt un peuple ignorant. Dans Surat Az-Zumar, قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ. Dis-me, commanderez-vous d'adorer autre qu'Allah, ô vous ignorants? L'ignorance pousse au péché. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. Dans Sourate Al-Ahzab, et restez dans vos foyers, et ne vous exhibez pas à la manière des femmes de la jahiliya, de la période de l'ignorance, de la jahiliya, de la période anté-islamique. Et beaucoup d'autres textes encore qui nous montrent que l'ignorance est la base de beaucoup de péchés. Combien de femmes ayant la foi, ayant du bien en elles, mais de par l'ignorance, le manque d'études, le manque de lecture du Coran, de la sunna, elles n'accordent pas d'importance au hijab. Elles ne connaissent pas l'importance du hijab et la gravité de se dévoiler aux hommes étrangers. Combien de femmes comportant du bien, ayant une bonne intention, mais ont été dupées de par leur ignorance et leur peu de bagages scientifiques par des gens mal intentionnés, qui les ont distraits de la piété, qui les ont éloignés de la voie droite. Ainsi elles vivent dans cette insouciance, elles sortent sans se voiler. Alors que celle qui a étudié, elle connaît l'importance du hijab. Elle ne peut concevoir de sortir sans se voiler. Elle ne se soucie aucunement de ce que peuvent penser les gens d'elle, tant qu'elle est en accord avec Allah subhanahu wa ta'ala, avec les ordres d'Allah azza wa jal, avec l'honneur qu'Allah tabaraka wa ta'ala lui a accordé. Donc, on retiendra que l'ignorance est la cause de beaucoup de maux et beaucoup de péchés. Aussi, ajoutez à cela que l'ignorant se permet de défier son Seigneur à travers les péchés. C'est pour ça que tout pécheur, en réalité, au moment où il commet le péché, il est ignorant, même s'il a de la science. Tout pécheur, les textes nous montrent que tout pécheur, au moment où il commet le péché, est ignorant, même s'il est savant. Même s'il est savant. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, dans Surat al-Nisa, إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. Allah accueille seulement le repentir de ceux qui font le mal par ignorance et aussitôt se repentent. Voilà cela de qui, voilà ceux de qui Allah accueille le repentir. Et Allah est omniscient et sage. Omniscient et sage. Dans Suratu Al-An'am, Allah nous dit: Kataba rabbukum ala nafsi ar-rahma annahu man 'amila minkum su'an bi jahalatin thumma taba min ba'dihi wa aslaha fa annahu ghafurur rahim. Votre Seigneur s'est prescrit à lui-même la miséricorde. Et quiconque d'entre vous a fait un mal par ignorance, et ensuite s'est repenti, s'est réformé, il est alors pardonneur et miséricordieux. Il est alors pardonneur et miséricordieux. De quelle ignorance s'agit-il ? Il s'agit de l'ignorance des conséquences du péché. Au moment où la personne commet ce péché, elle a forcément une part d'ignorance. Elle a forcément une part d'ignorance. Devant le châtiment d'Allah, devant les conséquences de son péché. Il a forcément une ignorance de la surveillance d'Allah Azza wa Jal sur sa personne au moment où il lui désobéit. Qu'Allah le voit, le surveille, l'entend. Comme l'a expliqué Ibn Sa'di rahimahullahu ta'ala dans son tafsir. Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, dans son livre, Iqtida Sirat al-Mustaqim, Rahimahullah nous dit « وَسَبَبُ ذَلِكَ أَنَّ الْعِلْمَ الْحَقِيقِيَ الرَّاسِخِ فِي الْقَلْبِ يَمْتَنِعُ أَنْ يَصْدُرَ مِنْهُ مَا يُخَالِفُهُ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ فَمَتَى صَدَرَ خِلَافَهُ فَلَا بُدَّ مِنْ غَفْلَةِ الْقَلْبِ عَنْهُ أَوْ ضَعْفِ الْقَلْبِ مِنْ مُقَاوَمَةِ مَا يُعَارِضُهُ. وتلك أحوال تناقض حقيقة العلم فيصير جهلا بهذا الاعتبار. Ibn Taymiyyah rahimahullah nous explique en quoi le pécheur est ignorant. Il dit ceci car la science véritable est enracinée dans le cœur empêche le serviteur de commettre et les péchés, et ce qui vient à l'encontre de sa foi, comme parole et action. À partir du moment où il agit contrairement à cette foi-là, à partir du moment où il commet les péchés, forcément, il y a eu un temps d'insouciance dans le cœur, ou une faiblesse dans le cœur. Le cœur s'est affaibli, il n'a donc pas pu vaincre cette chose passagère. Il n'a pas pu la repousser, c'est-à-dire l'envie du péché et la mise en pratique de ce péché-là. Cet état-là vient à l'encontre de la réalité de la science. Ainsi, il devient ignorant de ce point de vue-là. L'ignorance est donc une maladie destructrice, une maladie meurtrière, une maladie destructrice. Une maladie meurtrière, un cancer qui ronge le cœur du fils de Adam, puis qui s'attaque à sa langue, puis qui s'attaque à ses membres. Il ne faut pas minimiser. Il ne faut pas minimiser la dangerosité de l'ignorance. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit dans un vers de poésie, dans Nouniya, والجهل داء قاتل وشفاؤه أمران في التركيب متفقان نص من القرآن أو من سنة وطبيب ذاك العالم الرباني. Et l'ignorance est une maladie meurtrière. Et son remède, deux choses composées qu'on doit appliquer. Un texte du Coran ou de la Sunna. Et le médecin qui appliquera le tout est un savant enraciné. Un savant enraciné. Voici la dangerosité de l'ignorance. Qu'Allah nous en préserve. On voit ici la dangerosité de l'ignorance, donc il nous faut apprendre la religion. Notre niveau est faible. Nous avons besoin d'apprendre au quotidien. Ce qu'on ignore est bien plus grand que ce qu'on connaît. Naam. Et on ne mesure pas la science forcément par les années d'études. Naam. Certains sont partis étudier un an. Et c'est énorme par la grâce d'Allah. D'autres 5 ans. Et c'est énorme par la grâce d'Allah. D'autres 20 ans. Et c'est énorme par la grâce d'Allah. D'autres ont passé leur vie dans la science. Malgré tout, ce qu'ils ignorent est bien plus grand que ce qu'ils connaissent. Et certains sont partis étudier, puis en revenant, ont continué leurs études à distance et ont continué à apprendre et à mémoriser et à suivre les cours des savants à distance. Même eux, sans rabaisser qui que ce soit, c'est une réalité de dire que ce qu'on ignore, naam, est bien plus grand que ce qu'on connaît. Que ce qu'on connaît. Et lisez l'histoire de Moussa el Khadir. Cela vous apparaîtra d'une manière claire. Si un prophète a dit ce qu'il a dit, alayhi salam, que dire alors de nous? Ainsi, le musulman doit faire attention à l'ignorance. Cette ignorance qui fera que les passions s'enracineront dans son cœur, que les ambiguïtés auront raison de lui. Et rien ne pourra le sauver sauf si Allah le touche de sa miséricorde et le sauve en lui accordant une lumière émanant de lui à travers la science profitable. Car certes, man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fid-din, celui à qui Allah veut du bien, il l'instruit dans la religion. On tire de cela que celui à qui Allah ne veut pas du bien ne lui fait pas comprendre la religion. Wallahu al-musta'an. Toute personne qui désobéit Allah est ignorante. Toute personne qui désobéit à son Seigneur est ignorante. Jusqu'à ce qu'elle sorte de son péché. Naam, on trouve ces paroles de plusieurs parmi les anciens comme Qatada. Revenons au tafsir de l'imam al-Tabari, rahimahullahu ta'ala. La deuxième cause de diminution de la foi est al-rafla, l'insouciance. Al-rafla, l'insouciance. L'insouciance est un comportement blâmable, méprisable. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit, contre lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous a averti. Ainsi, le musulman doit tout faire pour ne jamais être du nombre des insouciants. Qu'Allah nous en préserve. On trouve dans le Coran beaucoup de versets qui nous montrent que l'insouciance n'est pas le comportement des musulmans. C'est plutôt le comportement de ceux qui sont à l'opposé de l'islam, de ceux qui sont dans l'hypocrisie, dans la mécréance, dans les ténèbres du polythéisme. Ça amène la maladie du cœur. Ça peut même amener sa mort. Car lorsque l'eau du bocal du poisson diminue et s'évapore, à quoi est-ce que ça mènera le poisson? il suffoquera, souffrira et décédera. Tout cela amène donc la diminution de la foi, de cette lumière, de cette lanterne, dans le cas elle ne s'éteint pas complètement. Les passions prendront le dessus sur ce cœur faible et malade, et les ambiguïtés s'empareront de lui. Dans Sourate Al-A'raf, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبَصِّرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ » Allah subhanahu wa ta'ala nous cite à propos de l'insouciance. Nous avons destiné beaucoup de djinns et d'hommes pour l'enfer. Ils ont des cœurs mais ne comprennent pas. Ils ont des yeux mais ne voient pas. Ils ont des oreilles mais n'entendent pas. Ceux-là sont comme les bestiaux, même plus égarés encore. Tels sont les insouciants. La hawla wa la quwwata illa billah. Ils ont des cœurs avec lesquels ils ne comprennent pas, des yeux avec lesquels ils ne voient pas, des oreilles avec lesquelles ils n'entendent pas. C'est-à-dire qu'ils ne les ont pas utilisés à bon escient. Ils n'ont pas affranchi leur personne en utilisant ces membres, ces sens qu'Allah leur a donnés. Tels sont les insouciants. Alors leur finalité sera quoi? Comme Allah nous dit ici l'enfer. Ils ont été préparés pour le combustible de l'enfer. وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ. Le croyant ne doit pas faire partie des insouciants. Allah subhanahu wa ta'ala nous montre que les insouciants, leur finalité sera très mauvaise. إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَطُمَأَنُّوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ أُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Dans Surat Yunus, Allah subhanahu wa ta'ala nous montre que ceux qui n'espéraient pas la rencontre d'Allah et ont été satisfaits de vivre dans ce bas monde et ont été apaisés par celle-ci. Ceux qui sont distraits et insouciants face à nos signes, quelle sera leur finalité? Allah subhanahu wa ta'ala nous la montre et nous dit: cela, leur refuge sera le feu pour ce qu'ils acquéraient. Dans Sourate Yunus, wa inna kathiran minan nasi an ayatina laghafilun. Cependant, beaucoup de gens ne prêtent aucune attention à nos signes. Ils sont distraits, ils sont insouciants face à nos signes. Dans Sourate Ar-Rum, on nous montre qu'ils sont insouciants des choses religieuses, bien qu'ils ont des connaissances sur les choses de ce bas monde. يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ. Ils connaissent un aspect de la vie présente, tandis qu'ils sont insouciants face à l'au-delà. Dans Sourate Al-A'raf, وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَذَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُمْ مِنَ الْغَافِلِينَ. Dans Sourate Al-A'raf, Allah Azza wa Jalla a averti le prophète alayhi salatu wassalam de faire partie du nombre des insouciants. Et l'ordre du prophète alayhi salatu wassalam est un ordre par la suite à sa communauté. Et invoque ton Seigneur en toi-même, en humilité et crainte à mi-voix le matin et le soir, et ne sois pas du nombre des insouciants. Ne sois pas du nombre des insouciants. Troisièmement, al-i'rad, le fait de se détourner. Le fait de se détourner est une cause de la diminution de la foi. Allah Azza wa Jal nous a informé des effets destructeurs du détournement de la religion d'Allah, du détournement d'Allah et de ses signes, du détournement de la voie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le fait de se détourner amène forcément une mauvaise finalité si Allah ne nous sauve pas. Allah nous montre dans le Coran qu'il n'y a pas plus injuste que celui qui se détourne de la vérité. Il nous dit subhanahu wa ta'ala dans son livre: وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ. Dans Sourate Sajda, qui est plus injuste que celui à qui les versets d'Allah sont rappelés et qui ensuite s'en détourne? Inna min al-mujrimin muntaqimun. Nous vengerons certes des criminels. Allah Azza wa Jalla les a appelés criminels, subhanallah. Dans Sourate Al-Kahf, Allah subhanahu wa ta'ala nous montre que la personne qui se détourne de la vérité, son cœur sera scellé. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِنْ تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا. Quel pire injuste que celui à qui on a rappelé les versets de son Seigneur et qui s'en détourna, ou bien et qui en détourna le dos en oubliant ce que ses deux mains ont commis. Nous avons placé des voiles sur leur cœur. Leurs cœurs sont scellés, de sorte qu'ils ne comprennent pas, c'est-à-dire la parole d'Allah, et mis une lourdeur dans leurs oreilles. Même si tu les appelles vers la bonne voie, jamais ils ne pourront donc se guider. Ainsi, se détourner de la voie droite, se détourner de la parole d'Allah Azza wa Jal, se détourner de la sunna du prophète alayhi salatu wa salam, tout ça sont des causes qui amènent le cœur à être scellé. Tout ça sont des causes qui amènent le serviteur à ne pas être guidé. Qui amènent le serviteur à ne pas être guidé. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Dans Surat Taha, Allah subhanahu wa ta'ala nous montre la dangerosité, la gravité de s'éloigner, de se détourner de la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et que celui qui agit ainsi aura à vivre une vie pleine de gêne, une vie malheureuse. Et ce qui l'attend dans l'au-delà est encore pire. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّي لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا. Et celui qui se détourne de mon rappel aura certes à vivre une vie pleine de gêne, et nous le ressusciterons le jour de la résurrection aveugle. Il dira alors: ô mon Seigneur, pourquoi m'as-tu ressuscité aveugle alors qu'auparavant j'étais clairvoyant? C'est ainsi que tu t'es comporté face à nos versets ou nos signes. Tu les as oubliés, tu les as délaissés. Pareillement, aujourd'hui, tu seras abandonné et délaissé. Tunsa et Tutarak. Dans Surat Az-Zukhruf, Allah Azza wa Jal nous mentionne la punition infligée à ceux qui se détournent de la vérité, à ceux qui se détournent de la sagesse pour laquelle Allah les a créés. C'est qu'on va leur assigner des diables pour compagnie qui les égareront dans tout sentier de perdition. Allah nous dit: وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. Et quiconque s'aveugle, yani s'écarte du rappel du tout miséricordieux, nous lui désignons un diable qui devient son compagnon inséparable. Inséparable. Que pensez-vous des conseils qu'il recevra de ce diable. Que pensez-vous de l'excitation vers où le mènera ce shaitan? Sans aucun doute dans la perdition, iyadan billah. Allah nous informe également que celui qui se détourne, que celui qui s'écarte de la voie droite, aura à supporter de lourds péchés et aura emprunté le chemin difficile du châtiment. Dans surat Taha, وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا. C'est bien un rappel de notre part que nous t'avons apporté. Quiconque s'en détourne portera au jour de la résurrection un fardeau. Un fardeau. Et dans Suratul Jin, وَمَا يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّ يَسْلُكُهُ عَذَابًا صَعَدًا. Tous ces textes nous avertissent contre le détournement de la vérité et nous montrent qu'il emmagasinera des péchés, des punitions, et sa foi sera affectée, corrompue, diminue, affaiblie au plus haut point. Puisse Allah Azza wa Jal nous en préserver. Innahu ash-shakur ar-rahim. Cinquièmement, après l'insouciance, après le fait de se détourner de la vérité, an-nisyan, l'oubli. An-nisyan, l'oubli. De quel oubli s'agit-il? C'est le délaissement volontaire ou involontaire qui a été causé par le laxisme du serviteur dans ses adorations. Par l'oubli de ce pourquoi Allah l'avait créé, par l'insouciance, tout cela affaiblira sa foi. Il fait tellement de péchés qu'il oublie ce pourquoi Allah l'a créé. Il fait tellement de péchés qu'il oublie qu'il sera ramené un jour vers Allah pour être jugé. Il fait tellement de péchés qu'il n'arrive plus à obéir à Allah. Il fait tellement de péchés que les adorations les plus basiques lui deviennent lourdes, telles que la prière, telles que les invocations quotidiennes, telles que les délaissements des grands péchés. Tout cela lui devient lourd. Et s'il agit, il agit avec paresse et avec plainte. Wal'iyadu billah. Sachez qu'il y a que le an-nisyan, l'oubli mentionné dans le Coran, est à deux sens. Le premier, c'est l'oubli involontaire. C'est l'oubli involontaire du serviteur qui est excusé par Allah subhanahu wa ta'ala. Dans Suratul Baqara, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhta'na. Et dans Sahih Muslim, qala Allah ta'ala qad fa'alt. Ô Allah, ne nous charge pas d'un fardeau lourd comme tu as chargé ceux qui vécurent avant nous. Ou avant ça, Seigneur, ne nous châtie pas s'il nous arrive d'oublier ou de commettre une erreur. Donc ça, c'est exaucé chez Allah Azza wa Jal. C'est exaucé chez Allah Azza wa Jal. Par contre, l'oubli, qui est le fruit du manque de considération de cette religion, qui est le fruit de l'insouciance, qui est le fruit de nombreux péchés, ce n'est pas cet oubli-là qui est mentionné dans ce verset. Certains oublient à cause de leur faute, certains oublient parce qu'ils ne donnent pas importance à la religion. Certains oublient, ils n'ont pas d'excuses, certains oublient volontairement. Ben ça, ça corrompt la foi. Ça diminue la foi. Ça affaiblit la foi. Ça amène le serviteur à faire peu d'actes d'adoration et ça multiplie surtout ses péchés. Ça multiplie ses péchés. Allah Azza wa Jal nous interdit de nous joindre au nombre de ces gens-là. en nous disant wala takunu kalladhina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Allah nous interdit de faire partie de ces gens-là. Et ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah. Il leur a fait alors oublier leur propre personne. Ceux-là sont les pervers. Oulaika humul fasiqun. Ils ont oublié Allah Azza wa Jal. Subhanallah. Allah Azza wa Jal les a punis en faisant sorte qu'ils s'oublient eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils oublient d'agir en faisant le bien pour leur propre personne. Ils vont oublier de travailler pour affranchir leur propre personne. La hawla wa la quwwata illa billah. C'est un des pires châtiments infligés au serviteur, car il a fait une des pires choses, oublier Allah subhanahu wa ta'ala. Le musulman, il lui est demandé de s'éloigner de l'oubli d'Allah, de l'oubli de sa religion, de l'oubli de ce pourquoi il a été créé. Sinon, ça va nuire à sa personne. Ça va lui apporter du mal. Ça va lui apporter du mal. Allah nous dit, Nasullah fanasiyahum. Ils ont oublié Allah. Allah les a alors délaissés. C'est l'oubli volontaire. C'est l'oubli volontaire. Il y a deux types d'oubli. L'oubli, lorsqu'on parle d'Allah Azza wa Jal, les versets où il y a la mention de l'oubli, du nisyan précisément, il y a l'oubli dû à la distraction et à l'imperfection de la science. Allah en est exempt. Allah est innocent de cet oubli-là. Dans Surah Taha, Allah nous dit, « La yadillu rabbuka wa la yansa. » Ton Seigneur ne s'égare pas ni n'oublie. C'est dans le sens de ce qu'on vient de citer, l'oubli involontaire, l'oubli qui est dû à l'imperfection de la science. Puis il y a l'oubli, bima'na tark, dans le sens le délaissement et l'abandon. C'est un oubli volontaire. Comme dans ces versets. C'est un attribut qu'Allah Azza wa Jal donne à ceux qui le méritent. Ceux qui ont oublié Allah, Allah les oublie volontairement, les abandonne et les délaisse. Nasullah fanasiyahum. Donc, voici des grandes causes de la diminution de la foi. Voici des grandes causes de la diminution de la foi. Et je ne détaille pas ce point plus que cela, car prochainement, incha'Allah ta'ala, il y aura une conférence sur les effets des péchés dans la vie du serviteur. En se basant sur le livre du grand savant Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, Da'wa Dawa, la maladie et le remède. Je me recommande à moi-même de beaucoup lire ce livre, ainsi qu'aux auditeurs et aux auditrices d'avoir ce livre à la maison. Ad-da'u wa ad-dawa pour les arabophones. Et pour les francophones, ils l'ont intitulé La maladie et le remède. Ou bien péché et guérison. C'est plutôt cela. Péché et guérison. Ayez ce livre-là chez vous et lisez-le régulièrement. Il est extrêmement bénéfique. Les savants le recommandent beaucoup. C'est une grande cause, vraiment extrêmement profitable avec l'aide d'Allah, pour délaisser les péchés, pour se réformer. Et nous avons tous besoin de cela. Passons maintenant à la sixième cause qui amène à la diminution de la foi. Irtikabu dhunubi wal ma'asi. C'est le fait de commettre des péchés, des désobéissances. Personne n'ignore cela. Et tout le monde ressent cela. Que les péchés et la récurrence des fautes amènent la diminution de la foi. Un point tel que les savants ont mis dans la définition de la foi, يَزِيدُ بِطَاعَةِ الرَّحْمَنِ وَيَنْقُصُ بِمَعْصِيَتِهِ وَطَاعَةِ الشَّيْطَانِ. La foi augmente avec l'obéissance d'Allah. Et elle diminue de par sa désobéissance. Quand on désobéit à Allah, on obéit au shaitan. Forcément, la foi diminue. Et les péchés comme nous le dit Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, ne sont pas au même niveau. Ne sont pas au même niveau. Dans Irathatul Lahfan, il nous dit « وَلَا رَيْبَ أَنَّ الْكُفْرَ وَالْفُسُقَ وَالْعِصْيَانَ أَوَّ الْمَعَاصِ دَرَجَاتٍ كَمَا أَنَّ الْإِيمَانَ وَالْعَمَلَ الصَّالِحِ دَرَجَاتٍ كَمَا قَالَ تَعَالَى هُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ وقال لكل درجات مما عملوا وربك وما ربك بغافل عما يعملون وقال إنما نسيء زيادة في الكفر وقال فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم ونظائره في القرآن كثير. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit: nul doute quant au fait que la mécréance, la perversion et les péchés sont de différents degrés, tout comme la foi, les bonnes œuvres sont de différents degrés. Puis il mentionne des versets du Coran dans Suratu Ali Imran, dans Suratu Al-An'am, dans Suratu Tawba, et il nous dit qu'il y a beaucoup d'autres exemples. Il nous dit qu'il y a beaucoup d'autres exemples à cela. Dans Suratu Ali Imran, ils sont dans différents degrés auprès d'Allah. Et Allah est parfaitement clairvoyant de ce qu'ils font. Dans Suratu Al-An'am, à chacun son degré selon ce qu'ils ont fait. Et certes, ton Seigneur n'est pas insouciant face à ce qu'ils font. Face à ce qu'ils font. Et dans Suratu Tawba, on nous montre que ceux qui ont la foi, on a augmenté à leur foi, on a ajouté foi à leur foi, et ils s'en réjouissent. Et ils s'en réjouissent. Quant à ceux qui ont une maladie au cœur, on a ajouté souillure à cette souillure-là. Donc la foi augmente de par les bonnes œuvres. Et elle diminue avec les péchés. Notez, Ikhwan al-Kiram, retenez et sachez que les péchés sont de deux types par rapport au jugement. Il y a les grands péchés, al-kaba'ir, et il y a les petits péchés, al-sara'ir. Et tout péché en réalité est grand du point de vue de celui à qui on désobéit. On désobéit à Allah. C'est pour ça que certains parmi les anciens disaient « Ne regardez pas la petitesse du péché. Mais regardez plutôt la grandeur de qui a qui, la grandeur de celui à qui vous désobéissez. Sinon, du point de vue du jugement, en effet, il y a el-kaba'ir, les grands péchés, et sara'ir, les petits péchés. Comme nous le prouvent le Coran et la Sunna, dans Suratul Nisa, إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما وفي سورة النجم الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم Donc, dans سورة النساء الله سبحانه وتعالى nous dit: si vous vous éloignez des grands péchés qui vous ont été interdits, nous vous effacerons vos fautes. Quelles sont les fautes ici? Les fautes ici sont les petits péchés. Quelle est la preuve de cela? Car Allah a déjà mentionné kaba'ira ma tunhauna an, les grands péchés. Et dans Suratul Najm, ceux qui s'éloignent des grands péchés et des turpitudes en dehors des petites fautes. Dans la sunna également, dans Sahih Muslim, Abu Huraira nous dit, le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: As-salawatu al-khams wal-jum'atu ila-jum'ati wa ramadhanu ila-ramadhana mukaffiratun ma baynahun idhajtunibatil kabair. Les cinq prières, c'est-à-dire lorsque tu pries du fajr au dhar, puis du dhar au As, puis du As au Maghrib, puis du Maghrib au Isha, puis du Isha au Fajr, du Jum'a au Jum'a, de semaine en semaine, du Ramadan au Ramadan, d'année en année. Tout cela efface les péchés de ceux qui se trouvent entre les deux. C'est-à-dire d'une prière à une autre, d'un Ramadan à un autre, d'un Jum'a à un autre, d'un Ramadan à un autre, on t'efface tes péchés. Mais le Prophète sallam dit, à condition de s'éloigner des grands. Donc, on nous efface nos petits péchés tant qu'on s'éloigne des grands péchés. Subhanallah. Regardez la générosité et la grâce d'Allah Azza wa Jal. Mais ce n'est pas pour tout le monde. Celui qui ne s'éloigne pas des grands péchés, il n'obtient pas cette grâce-là. Celui qui s'éloigne pas, qui ne s'éloigne pas de la prière en dehors de son temps. Celui qui ne s'éloigne pas de rompre les liens de parenté avec les parents, ou avec les frères et sœurs, ou avec les enfants. Il n'a pas ça. Celui qui ne s'éloigne pas du colportage, de répéter, semer la discorde entre les gens. Celui qui ne s'éloigne pas de la médisance. Celui qui ne s'éloigne pas de l'orgueil. Tous ces gens-là, on ne leur efface pas leur petit péché d'une prière à une autre, du Jumu'ah au Jumu'ah, de Ramadan à Ramadan. Dans le Bukhari muslim, selon Abu Bakr al-Siddiq radiallahu anhu, nous étions près du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit « Ala unabbi'ukum bi akbaril kaba'ir thalathan » Ne vais-je pas vous informer des grands péchés? Il dit cela à trois reprises. « Al-ishraku billah wa uququl walidain wa shahadatu zour » Il dit « Donner des égaux à Allah ou associer à Allah » c'est-à-dire le shirk, la désobéissance envers les parents. Le faux témoignage. Le faux témoignage. Voici les pires péchés. Et il fut questionné, Ayyul dhunubi akbar indallah. Quels sont les péchés les plus grands près d'Allah? Qal, an tad'a lillahi niddan wa huwa khalaqak. Le fait d'assigner à Allah un égal, d'invoquer avec Allah un égal alors que c'est lui qui t'a créé. C'est-à-dire le shirk. Il lui fut dit ensuite, il dit, le fait que tu assassines ton enfant par peur qu'il mange avec toi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Combien sont les gens qui tuent l'enfant qui se trouve dans le ventre alors qu'il a dépassé 4 mois, l'âme lui a été insufflée. Bien qu'il ne convient pas de le faire avant. Combien avortent et encouragent à avorter? Subhanallah. À ôter la vie qu'Allah Azza wa Jal a fait naître dans le ventre de la mère. Certains couples sont éprouvés. Certes, par une grande épreuve qui est l'annonce d'un handicap probable à l'enfant à venir. Alors on leur demande leur avis. Est-ce que vous voulez laisser vivre l'enfant ou vous voulez assassiner l'enfant? Alhamdulillah, certains acceptent le décret d'Allah, se soumettent à la volonté d'Allah, puis patientent. Et subhanallah, pour beaucoup d'entre eux, finalement, ils ne sont pas handicapés. Ils sont en bonne santé, car l'ordre est dans la main d'Allah. L'affaire est entièrement dans la volonté, soumise à la volonté d'Allah. Et d'autres, en effet, ils sont handicapés, plus ou moins. Et ces parents courageux et braves, ses parents croyants et soumis à la volonté d'Allah Azza wa Jal, ses savants forts, dignes et braves, acceptent cette épreuve. Acceptent la volonté d'Allah. Ils savent qu'Allah ne décrète que le bien. Ils savent qu'Allah Azza wa Jal ne fait que le bien. Que tout ce qu'Allah fait et décide, c'est bon et c'est bien. Ils s'y soumettent et attendent la récompense chez Allah Azza wa Jal. Se fatiguent avec l'enfant handicapé. Parfois il vit, parfois il meurt plus tard. Et tout cela est chez Allah. On ne demande pas à Allah sur ce qu'il fait, mais c'est nous qui sommes questionnés. Ces gens-là, ils patientent et ils endurent. Mais d'autres, non. D'autres, ils mettent fin à la grossesse et ils assassinent l'enfant. D'autres, ça n'est pas par cause de l'handicap, même si c'est vraiment une grande cause de ceux qui tombent dans ce péché grave. D'autres, on ne parle pas des cas exceptionnels comme Si la grossesse peut emmener au décès de la femme, ça c'est des cas particuliers, c'est un autre jugement. Naam. Je disais donc, d'autres disent je ne veux pas d'enfant maintenant. Ou disent je suis fatigué avec cet enfant-là. Ou disent je n'aime plus l'époux. Ou lui il dit je n'aime plus la femme. Ou il dit je n'ai pas beaucoup d'argent, je veux économiser et je veux et je veux. Subhanallah. Subhanallah. Ça fait partie des pires péchés. Ça fait partie des pires péchés. Puis le prophète sallam, puis on questionna le prophète sallallahu alayhi wa sallam, thumma ay qal antuzaniya bihalila tijarik. Que tu commettes l'adultère avec l'épouse de ton voisin. Ce texte nous montre quoi? Qu'il y a des péchés qui sont pires que d'autres. Beaucoup de textes nous montrent qu'il y a des péchés qui sont plus graves que d'autres. Qu'il y a des péchés qui sont effacés suite à une bonne action, d'une prière à une autre. Et que d'autres, non, il faut absolument un repentir, un regret profond, un abandon du péché, une ferme intention de ne plus y retourner pour qu'il soit effacé. Pour qu'il soit effacé. Tout cela pour expliquer qu'il y a des péchés qui sont grands et d'autres qui sont petits. Et un des meilleurs livres qui a été écrit sur les grands péchés, c'est le livre de l'imam al-Dhahabi al-Kaba'ir. Il faut l'avoir chez soi, il faut l'avoir lu au minimum une fois, afin qu'on les connaisse pour s'en éloigner, s'en repentir. Même si de tout péché, il est obligatoire, sans aucun doute, de se repentir. Après avoir divisé les péchés en grands péchés et petits péchés, sachez que les savants ont divisé les péchés en quatre, face à ceux qui poussent le serviteur à les commettre. Il y a des péchés qu'ils ont qualifiés de royaux ou de royal, c'est-à-dire ce sont les péchés qui sont commis par ceux qui ont des caractéristiques qui se rapprochent des caractéristiques des dominants, des rois, des gouverneurs. Je ne sais pas comment formuler en français, mais ce sont les péchés qui sont commis par des personnes ayant des défauts. Quel type de défaut? L'orgueil, la domination, la supériorité, le fait de vouloir être au-dessus des autres, de les dominer, de les avilir, de les rabaisser, comme certains rois. Allah subhanahu wa ta'ala à lui appartient la royauté. Donc il est le seul à être en droit de s'immensifier, de manifester sa magnificence, sa domination suprême, le fait de s'élever au-dessus de tout le monde. Quant aux créatures, elles sont des créatures asservies, assujetties. Elles n'ont pas le droit d'être ainsi. Le deuxième type de péché, ash-shaytaniyya, les péchés diaboliques, ceux qui, lorsqu'ils les commettent, ont une ressemblance avec le diable, comme al-hasad, l'envie, la jalousie. Qu'est-ce qui pousse 80% à parler sur les autres? À chercher les fautes et les défauts des autres? À apporter des problèmes aux autres, si ce n'est la jalousie et l'envie? Qu'est-ce qui a poussé Ash-Shaytan à ne pas se prosterner devant Adam suite à l'ordre d'Allah, si ce n'est la jalousie? Qu'est-ce qui a poussé le fils de Adam à assassiner son frère, si ce n'est la jalousie? Les péchés comme la jalousie, l'envie, el-bari, la transgression et le fait d'agresser les gens, elle riche, le vol, la trahison, elle khida', elle makr, la ruse. Le fait de pousser les autres à désobéir à Allah et leur embellir cela. Être une tête dans le haram. Inviter les gens et embellir les gens dans le haram. Embellir aux gens le haram. L'innovation dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Inviter les gens à l'innovation. Inviter les gens à l'égarement. Faire sortir les gens de la voie droite. Tout cela sont des péchés dans lesquels les gens se sont ressemblés au shaitan. La troisième catégorie de péché, as-sabu'iyya, et les péchés dans lesquels les gens ont une ressemblance aux fauves, où il y a les transgressions, la colère, le fait de faire couler le sang, le fait de faire des victimes, le fait de s'en prendre aux faibles, aux incapables, de spolier les biens de l'orphelin. Na'am, toutes sortes d'injustices et de crimes. Ça, c'est une ressemblance avec les fauves, les bêtes féroces. Et pour finir, al-dhunub al-bahimiyya, les péchés bestiaux, où il y a une ressemblance avec les bestiaux. Les bestiaux ayant pour nature quoi? Assouvir leurs désirs du ventre et de la partie intime. Naam, ils chassent pour manger, ils se battent pour garder en leur sein les femelles et se reproduire, s'accoupler. Ce genre de personnes qui ont ces penchants bestiaux tomberont plutôt dans d'autres genres de péchés tels que la fornication, le vol, le fait de voler les gens de bien, le fait de voler l'orphelin. Ils tomberont également dans l'avarice. Dans l'avarice. Dans la, comment dire, ils seront peureux dans la lâcheté. Et ainsi de suite. Certaines personnes sont touchées par la plupart de ces domaines, d'autres par un seul, d'autres par deux, d'autres par trois. Qu'Allah Azza wa Jalla nous soigne et nous préserve et nous éloigne de ces péchés-là. D'autres personnes rentrent dans un domaine qui les emmène dans un autre. Par exemple, celui qui tombe dans les péchés dans lesquels il ressemble aux fauves, il tombera par la suite dans les péchés qui ressemblent au diable. Puis, il tombera dans les péchés qu'il fait ressembler au roi qui transgresse. Puis au shirk, comme Pharaon a dit, « Ana rabbukum al-a'la ». Ses péchés l'ont emmené à dire, « Je suis votre Seigneur le plus haut. » Subhanallah. Ses péchés l'ont emmené à dire, « Je ne connais pas d'autre divinité en dehors de moi pour vous. » À la base, c'était la domination, c'était le meurtre, c'était les crimes. Regardez jusqu'où ça l'a mené. Et vous pouvez trouver cela dans le livre d'Ibn al-Qayyim, Ad-Dawa Ad-Dawa, qui est aussi appelé Al-Jawab Al-Kafi, la réponse suffisante, maladie et remède. Tout cela pour arriver au résultat que les péchés influence grandement la foi, la diminue, l'entache et des fois même l'annule. Qu'Allah nous en préserve. Il y a une chose subtile à prendre en considération, c'est que il faut regarder aussi jinsudhunub, la catégorie de péché, la grandeur du péché, les effets qui découleront de ce péché. Le lieu dans lequel a été commis le péché. Le moment, le temps dans lequel a été commis le péché. Qui est-ce qui a commis ce péché? Et encore d'autres choses à prendre en considération. Selon ces paramètres, le péché aura plus de gravité et le pécheur un plus lourd châtiment et une foi plus basse et plus détruite. Plus basse et plus détruite. Nous arrêtons sur cela. Et demain, incha'Allah ta'ala, nous finirons sur les effets des péchés et sur sur d'autres causes qui amènent la diminution de la foi, comme les mauvaises fréquentations. Wallahu a'lam wa sallillahumma wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ghafir lana dhunubana وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى Ya Hayyu Ya Qayyum, bi rahmatika nastaghith, aslih sha'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ayn. Allahumma inna na'udhu bika min al-baras wal junun wa min al-judham wa min sayyi al-asqam. Allahumma irfa' 'anna al-bala. Allahumma irfa' 'anna al-bala. Allahumma irfa' 'anna al-bala. Allahumma ashfi mardana rida al-muslimin. اللهم اشف مرضانا ارض المسلمين اللهم اشف مرضانا ارض المسلمين اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم ارحمنا وارحم موتانا وموتى المسلمين. Nous avons appris certains décès comme le père de notre frère Nabil de Bobigny du quartier de Chemin Vert et d'autres encore. On demande à Allah Azza wa Jal de leur pardonner, de leur faire miséricorde, tout comme nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala d'accorder endurance à leurs proches